Aime beaucoup si tu veux arriver au détachement. Faites, Seigneur, que ce qui m'est impossible par la faiblesse de la nature me devienne possible par votre grâce. Vous savez que j'ai peu de force pour souffrir. Faites, Seigneur, que toutes les tribulations me paraissent douces et aimables, puisqu'il n'est rien de plus salutaire à mon âme que de souffrir pour votre amour. Faites que ma consolation soit d'être prêt à me passer de toute consolation humaine. Et si vous m'ôtez aussi les vôtres, que ce soit ma suprême consolation, car vous ne serez pas toujours en courroux et vos menaces ne dureront pas toujours. Tout ce qui m'arrivera par vos ordres sera toujours pour mon bien. Si vous voulez que je vive dans les ténèbres, soyez-en béni. J'accepte de votre main, avec le même esprit, le bien et le mal. Lavez-moi de tout péché, et je ne craindrai ni la mort ni l'enfer. Malgré le désir de sainteté, nous nous retrouvons toujours pleins de misère, toujours en dette avec Dieu. Et quand nous nous approchons de lui, notre âme tremble. Comment nous accueillera-t-il? La parole de Dieu ouvre notre cœur aux plus douces espérances. Dieu nous aime en dépit de tout. Il en est beaucoup qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Chaque fois que nous fuyons le sacrifice, que nous protestons contre la douleur, nous nous comportons en ennemis de la croix de Jésus. Et ainsi, notre vie devient trop terrestre, trop attachée aux créatures, trop pesante pour tendre au ciel. Nous devons nous souvenir que notre cité se trouve dans les cieux, qu'il est donc nécessaire d'embrasser de bon gré les fatigues du voyage. La femme atteinte d'une perte de sang, son mal est tenace, il résiste depuis 12 ans à tous les remèdes. La pauvre femme, humiliée et honteuse, n'ose pas, comme les autres malades, se présenter directement à Jésus. Approchons-nous de Jésus en nous arrachant à la médiocrité. La médiocrité grise d'une vie spirituelle encore entravée par les liens de l'égoïsme pour nous élancer résolument vers la sainteté. Ô Seigneur, comme nous payons mal votre amitié, puisque nous redevenons si promptement vos mortels ennemis. Thérèse de Jésus. Vous pacifierez tout dans le petit ciel de mon âme. Élisabeth de la Trinité. Bien qu'il te soit possible d'entrer dans la nuit de l'esprit par une pratique généreuse du renoncement total, tu ne pourras jamais pénétrer dans sa partie la plus dense si Dieu lui-même ne t'y place. Lui seul peut épaissir les ténèbres qui t'enveloppent dans cette nuit, de manière que tu sois vraiment réduit au néant, en tout, au point de parvenir à la pureté et à la pauvreté d'esprit requise pour l'union. Loin de prendre l'initiative, ton action se réduit à accepter avec amour, à subir avec patience et humilité tout ce que Dieu dispose pour toi. Souviens-toi que Dieu purifie généralement les âmes à travers les circonstances ordinaires de la vie, si tu ne veux pas risquer de résister à l'action divine. Ce sont des souffrances que Dieu même choisit et dispose de la manière qu'il convient le mieux aux divers besoins des âmes, mais le mal est que très peu en profitent parce qu'elles ne savent pas reconnaître dans les douleurs de la vie la main de Dieu qui veut les purifier. Maladie, deuil, détachement, séparation de personnes chères, incompréhension, lutte, difficulté, provenant quelquefois précisément de ceux dont on aurait pu attendre aide et soutien, effondrement d'œuvres aimées et soutenues au prix de grands travaux, abandon des amis, solitude matérielle et spirituelle. Voilà quelques-unes des souffrances qui se rencontrent. Et bien sache que tout cela est positivement voulu, ou au moins permis par Dieu, précisément pour te purifier jusque dans les fibres les plus intimes de ton être. Devant ces épreuves, ne rejette jamais la faute sur la malice des hommes. Ne t'arrête jamais à examiner si elles sont justes ou injustes, mais vois uniquement la main bénie de Dieu qui t'offre ses remèdes amers pour t'amener à la santé parfaite de l'âme. Il est donc besoin, écrit saint Jean de la Croix, que l'âme garde une grande patience et constance en toutes sortes de tribulations et travaux que Dieu lui enverra, recevant le tout comme venant de sa main pour son bien et pour remède, sans les fuir, puisqu'ils sont pour sa santé. Considère combien d'esprit de foi il te faut pour accepter de la main de Dieu toutes les circonstances qui t'affligent, t'humilient, te contrarient, te mortifient. Il te sera plus facile d'accepter. l'action immédiate des créatures, surtout quand leur malice y participe, te rend plus difficile d'y découvrir la main divine. Il te faut ici un plus grand esprit de foi pour dépasser le côté humain des circonstances et découvrir les dispositions de la divine providence qui veut se servir justement de ces créatures et de leurs défauts et anéantir ton orgueil. Le conseil donné par saint Jean de la Croix est celui-ci. Il te sera très utile. Comprenez bien que tous ceux qui vous entourent sont autant d'êtres dont l'office est de vous exercer. En tout cela, vous devez être soumis comme l'image l'est au sculpteur. Profondément convaincu que Dieu guide et dispose tout pour le bien de ceux qu'il aime, l'âme de foi voit en chaque homme un messager du Seigneur. Au lieu donc de se révolter et de s'indigner à cause des traitements peu délicats ou vraiment injustes dont elle est l'objet, elle baisse la tête et les accepte humblement comme le traitement le plus pur, le plus propre pour la guérir de ses défauts ou imperfections. Garde-toi en ces cas de te poser en victime, de protester, de te plaindre ou de prendre ta revanche. Persuade-toi que tout cela sert grandement à ton avancement spirituel, car avant d'arriver à l'union avec Dieu, il faut être réduit à néant, c'est-à-dire établi dans une souveraine humilité. Seigneur, vous les éprouvez d'autant plus par le feu que vous voulez que leurs vertus brillent comme des pierres précieuses. Madeleine de Pazzi. Celui qui veut combattre virilement pour votre gloire doit descendre dans la connaissance la plus profonde de soi, tout en élevant toujours son cœur vers vous, afin de n'être pas confondu. Madeleine de Pazzi. La nuit passive de l'esprit, ces peines intérieures par lesquelles Dieu brise et obscurcit la substance spirituelle. Jésus a parlé de cette refonte totale, de cette renaissance spirituelle profonde, en disant « À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Royaume de Dieu ici-bas et état de parfaite union avec lui. La vive flamme détruit et consume toutes ses imperfections. Tant que cette divine flamme lui semble bien fâcheuse au lieu de l'éclairer, elle l'obscurcit. Cette vision est douloureuse, non seulement parce qu'elle humilie l'âme, mais lui fait craindre d'être rejetée par Dieu. Tel est le plus grand tourment que l'âme puisse souffrir, mais ce tourment est précieux, parce qu'il la purifie de tout résidu d'amour-propre et d'orgueil. Tu ne dois pas même croire que tu es devenu pire qu'auparavant. Tu as toujours porté en toi ces misères. Auparavant, tu les ignorais, tandis qu'à présent, la lumière divine te les montre clairement, non pour qu'elle te submerge, mais pour t'en libérer. Tu dois demeurer confiant et sûr que Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne méprise pas ton cœur repentant et humilié. Dieu t'aime et loin de te rejeter, il désire s'unir à toi. Il est impossible d'être entièrement humble sans passer par les angoisses amères de cette nuit dans laquelle Dieu même se charge d'humilier l'âme. Mais lorsqu'enfin il l'aura réduite au centre de son néant, alors il l'exaltera en l'attirant à lui dans la parfaite union d'amour. Tant que cette purification dure, écrit saint Jean de la Croix, l'âme souffre en l'entendement de grandes ténèbres, et en sa substance l'âme souffre grand abandon, grande pauvreté, sécheresse, froideur, et quelquefois chaleur sans trouver allègement en chose que ce soit. Non pas même une seule pensée qui la console, ne pouvant même pas élever son cœur à Dieu. Thérèse de l'Enfant Jésus, dans la dernière période de sa vie, a écrit: Le Seigneur permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres et que la pensée du ciel, si douce pour moi depuis ma petite enfance, me devint un sujet de combat et de tourment. Toutefois, elle ajoutait, tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je m'efforce d'en faire les œuvres. Ces actes de foi pure, dépouillés de tout réconfort, indépendants de n'importe quel sentiment, sont des actes de foi héroïques qui honorent Dieu. Et plus ils sont privés de soutien humain, plus ils s'unissent l'âme à Dieu. Les ténèbres de la nuit de l'esprit ont justement pour but d'habituer l'âme à marcher dans la foi pure. C'est la foi héroïque. Ayez pitié de moi, car après l'épuisement de mes forces, il ne me reste plus que les lèvres et la langue pour crier vers vous. Jean de Jésus-Marie. Ne crains rien, Nul mal ne pourra t'arriver, pourvu que tu adhères volontairement et docilement à son action purifiante. Accepte et répète continuellement ton fiat. C'est là ce que le Seigneur attend de toi dans cet état. L'union à Dieu ne consiste pas dans les jouissances, dans les consolations, dans les sentiments spirituels, mais dans la mort réelle de la croix, au point de vue sensitif et spirituel, intérieur et extérieur. Jean de la Croix. Le Seigneur te vient en aide par les épreuves purificatrices pour te vider de toi-même et te détacher des créatures, te plonger dans une vraie humilité. Il t'aide à croître dans l'amour. Les épreuves extérieures et intérieures, les humiliations, les impuissances, les aridités, les luttes, les tempêtes ont pour but dans le plan divin d'éteindre en toi les vains feux de l'amour-propre, de l'orgueil et des affections terrestres. Ce que tu as à souffrir, souffre-le par amour, c'est-à-dire de bon cœur, sans regimber ou te plaindre, et alors, à mesure que ton âme sera humiliée, elle sera revêtue de charité. Le but des épreuves que Dieu t'envoie est aussi de dilater ton cœur dans la charité, non, certes, d'amour sensible, mais d'un puissant amour de volonté. Apprends à aimer comme Dieu veut être aimé, et laisse là tes façons personnelles, dit saint Jean de la Croix. C'est-à-dire, apprends à aimer Dieu par un acte de volonté pure. Il arrive, Seigneur, que nous croyons tout vous donner, alors que nous ne vous offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous gardons pour nous le capital et la propriété. Thérèse d'Avila. Qu'il ne s'agit pas de véhélité, de désir inopérant qui s'effondre immédiatement devant un sacrifice concret, mais au contraire d'une décision forte de la volonté que rien ne peut ébranler. Un autre effet de ce grand amour d'estime pour Dieu est que l'âme endure et sent le plus dans les travaux de cette nuit, c'est une angoisse de penser si elle a perdu Dieu et si elle est délaissée par lui. Ainsi, l'âme ne se soucie d'aucune perte si ce n'est celle de Dieu. Jean de la Croix. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un arbre au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses branches. Rien de plus petit, de plus humble que le royaume des cieux, c'est-à-dire l'Église à ses origines. Jésus, son chef et fondateur, naît dans une étable. Il vit pendant 30 ans dans la boutique d'un artisan. En peu d'années, il se répand dans tout le pays, du vaste empire romain. Ce minuscule grain de sénévé devient peu à peu à travers les siècles un arbre gigantesque qui étend ses rameaux dans toutes les régions du globe et à l'ombre duquel se réfugient des gens de toute langue et de toute nation. Cette semence divine, ce levain surnaturel est en nous. Qui pourra l'empêcher de devenir un arbre gigantesque? Qui pourra empêcher le levain de fermenter toute la masse? Oui, demandons l'avènement total du royaume de Dieu dans nos cœurs. Ô grâce très sainte qui faites riches en vertu ceux qui sont pauvres en esprit! Le propre de l'amour est de se vouloir unir, joindre, égaler et faire semblable à la chose aimée. Jean de la Croix. L'âme découvre en elle-même une détermination vraie et efficace de ne rien faire qu'elle sache offense de Dieu, comme de ne rien omettre de ce qui lui semble contribuer à sa gloire. Sous l'action de cet amour obscur, elle est embrasée de zèle et de sollicitude pour savoir ce qu'elle fera ou omettra dans le but de lui plaire. Il s'agit ici évidemment de quelque chose de fort, supérieur à la simple fuite du péché. Il s'agit de la ferme résolution de fuir n'importe quelle imperfection, omission ou négligence volontaire. Il s'installe dans l'âme un désir intense de perfection, voire jusqu'à l'héroïcité. Veux-tu un signe certain de ton amour pour Dieu? Examine si tu tiens ferme dans ton propos de fuir même la chose la plus insignifiante qui puisse lui déplaire. La connaissance de sa bassesse fait en sorte que l'âme reste humble, fuyant toute présomption. Elle s'estime inutile en tout ce qu'elle fait et lui semble qu'elle vit inutilement. Jean de la Croix. Les saints ont fait aussi des folies. Ils ont fait de grandes choses, puisqu'ils étaient des aigles. Thérèse Martin. L'amour, en effet, ne se nourrit pas de vaines sentimentalités ou de fantaisies, mais d'œuvres. Cet amour, dit sainte Thérèse de Jésus, peut se comparer à un grand feu qui demande toujours un aliment nouveau pour continuer son activité. C'est ce qui explique l'attitude des saints qui, non seulement embrassaient de bon cœur toutes les souffrances dont Dieu jonchait leur route, mais les recherchaient eux-mêmes avec un soin jaloux, comme l'avare cherche l'or. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de souffrir pour prouver notre amour à Dieu, parce qu'alors nous aimerons dans la clarté indéfectible de la vision béatifique. Mais ici-bas, où nous aimons dans l'obscurité, la souffrance est nécessaire pour prouver à Dieu la réalité de notre amour. Alors qu'auparavant, l'âme craignait et fuyait la souffrance, maintenant elle l'embrasse avec force. L'âme la plus forte dans la souffrance est aussi la plus forte dans l'amour. Faites, ô mon Dieu, que je puisse un jour payer quelque peu les grandes dettes que j'ai consacrées envers vous. Ne permettez pas, ô Seigneur, que je me présente devant vous les mains si vides, puisque c'est aux œuvres que doit correspondre la récompense. Jean de la Croix. Au fur et à mesure que l'âme se détache de la terre, laissant de côté toute affection et tout désir des créatures, elle gravit l'escalier secret de l'amour qui l'élève de degré en degré jusqu'à son Créateur. Mais avec le temps, quand ce feu a fini par la réchauffer peu à peu, elle sent très souvent ces ardeurs et cette chaleur de l'amour. Les flammes de l'amour peuvent produire de grandes délices spirituels. Ce sont des instants de joie immense pendant lesquels l'âme reçoit un avant-goût de l'union avec Dieu dont elle approche, joie qui la dédommage amplement de toutes les peines et angoisses souffertes dans l'obscurité de la nuit. La parfaite union avec la volonté de Dieu est l'essence de la sainteté. L'union, heureuse l'âme qui y est parvenue, elle goûtera la paix en cette vie et en l'autre. Aucun des événements de ce monde ne saurait la troubler, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la mort même, parce qu'elle voit avec évidence que vous pouvez mieux les disposer qu'elle ne saurait le désirer. Ce ciel dont nous pouvons jouir dès ici-bas est présentement l'état d'union avec Dieu, dans lequel l'âme parfaitement conformée au vouloir divin jouit d'une grande paix, même au milieu des douleurs inévitables de la vie, s'abandonnant toujours entre les bras de la divine providence. Prenez, Seigneur, toute ma liberté. Un rappel que la vie présente passe vite, et une invitation à nous tenir prêts au dernier passage qui devra nous introduire dans la vie éternelle. La mort de ceux qui auront fait pénitence de leurs péchés sera douce. Ils n'iront pas au purgatoire, mais commenceront à jouir immédiatement de la gloire du ciel. Thérèse d'Avila. Le poids de notre faiblesse nous entraîne vers le bas, mais votre grâce nous rend ardents et nous nous élevons. Alors nous brûlons de votre feu et allons à vous. Saint Augustin. Thérèse d'Avila. Dieu ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une manière absolue. Il se communique à lui seulement dans la mesure de son consentement. Voici donc qu'au « oui » parfait de l'âme, Dieu répond par le « oui » véritable et entier de sa grâce. La parfaite adhésion à la volonté de Dieu est l'indice de l'amour parfait. Saint Jean de la Croix. Par ce consentement, par la grâce de la volonté, c'est d'après son consentement que Dieu lui donne le vrai et entier consentement de sa grâce. L'âme possède Dieu par grâce de volonté. L'âme étant affranchie de toute chose, vide et désappropriée d'elle, il est impossible quand elle fait ce qui est de sa part que Dieu manque de faire ce qui est de la sienne et de se communiquer. Ainsi le soleil est tout prêt à entrer dès le matin dans votre appartement, aussitôt que vous en ouvrez la fenêtre, telle est la conduite de Dieu. Il entrera dans l'âme détachée absolument et la remplira de ses trésors. S'il t'en coûte de renoncer en tout à ta volonté, songe combien il est grand et beau de se laisser guider en tout par la volonté de Dieu. S'il te pèse de renoncer à l'amour propre, pense combien il est heureux de posséder l'amour de Dieu. S'il te répugne de mourir à toi-même, pense quelle gloire il y a à vivre à Dieu. Non, s'écrie Thérèse de Jésus, ce que nous quittons n'est rien, pour un Dieu qui se donne si intimement à des vers de terre comme nous. Ô les délices que vous réservez aux âmes qui se sont données entièrement à vous, quelle tendresse, quelle suavité! Une seule de ces caresses devrait suffire pour nous transformer en vous. Thérèse d'Avila. Pour l'amour de Dieu, mon âme sort de ton sommeil et considère que Dieu n'attend pas même l'autre vie pour récompenser l'amour que tu as pour lui. Dès ici-bas, il commence à te donner ton salaire. Thérèse d'Avila. Mon Seigneur, ma miséricorde et mon trésor, qu'il n'y ait pas de division entre vous et moi. Il s'y trouve encore quelque chose qui tente d'échapper au gouvernement de la volonté de Dieu. C'est la sensibilité qui s'assujettit très difficilement à l'esprit, par suite du désordre produit par le péché originel. La sensibilité tire encore toujours un peu de son côté, suscitant des répugnances et des luttes qui peuvent rendre pénible l'adhésion continuelle à la volonté de Dieu et troubler la paix de l'âme. Il n'est pas exclu non plus que le démon se serve des mouvements de la partie sensible pour assaillir l'âme, de la faire reculer. C'est l'union totale appelée par les mystiques mariage spirituel, le dernier degré de l'union à Dieu qui soit possible ici-bas. Le mariage spirituel est une totale transformation en l'aimer, où les deux parties se livrent mutuellement avec une entière possession de chacune par une union d'amour consommée. Jean de la Croix. La transformation en Dieu est totale, c'est-à-dire que celle qui, au cours des fiançailles spirituelles, se réalisait seulement dans la volonté, s'étend à présent même aux autres facultés. Dieu se donne à l'âme comme s'il était sa possession, prenant la direction de toute sa vie et l'inspirant en tout ce qu'elle fait. Cette remise totale d'elle-même au bien-aimé fait que dans l'âme, transfère, pour ainsi dire, sa vie en Dieu, vivant plus en lui qu'en elle-même, plus en celui qu'elle aime qu'au corps qu'elle aime. Jean de la Croix. L'union de l'âme à Dieu est désormais si parfaite, si pleine, que seule l'union béatifique du ciel la surpasse. Thérèse de Jésus, ô Seigneur, quelle est grande la faveur que vous faites à l'âme quand vous l'unissez à vous, qu'il est exquis votre festin, et délicieux le vin que vous me donnez. Une seule goutte me fait oublier tout le créé, rejeter les plaisirs et les satisfactions que réclamait ma sensualité. Ah, que les gens du monde s'arrangent avec toutes leurs richesses et tous leurs biens, leurs plaisirs, leurs honneurs et leurs festins. La jouissance de ces biens, même pendant 1000 ans, ne vaut pas la joie qui en un seul instant inonde l'âme que le Seigneur élève à cet état. Non, il n'y a pas de comparaison possible entre les bassesses de la terre d'une part et les délices de cette intime union avec vous. Je vous prie, Seigneur, de ne jamais m'abandonner dans mon recueillement. La vie de l'âme, arrivée à l'union totale, peut se définir un exercice d'amour unique, continuel, très intense, par lequel elle se donne sans cesse à son Dieu. L'âme n'a plus de joie ni d'espérance qu'en lui. Tous ses désirs et toutes ses préoccupations ne tendent qu'à lui. Tout son être et toutes ses facultés ne vibrent que pour lui, lui faire plaisir. Il est affamé que de lui. L'amour est devenu l'atmosphère dans laquelle l'âme se meut. Les durs sacrifices, les luttes âpres et les renoncements du passé, alors que son exercice d'amour consistait à se dépouiller de tout ce qu'il n'est pas Dieu. Il semble à présent des bagatelles en regard du grand bien obtenu. L'âme se sert de tous les événements, de tous ses devoirs, de toutes ses actions pour aimer son Dieu. « Aime et fais ce que tu veux, disait saint Augustin. Pour le juste, il n'y a pas de loi, écrivait saint Jean de la Croix. J'aime l'Église, ma mère. Je me souviens que le plus petit mouvement de pur amour lui est plus utile que toutes les autres œuvres réunies. Celui qui aime ne peut être content s'il ne sent pas qu'il aime autant qu'il est aimé, saint Jean de la Croix. Qui aime vraiment ne supporte pas d'être dépassé en amour, et plus il se sent aimé, plus il veut aimer en retour. Sainte Thérèse d'Avila dit expressément que le but pour lequel le Seigneur se communique aux âmes et les comble de tant de grâces, même des plus hautes faveurs mystiques, n'est pas seulement de les caresser. c'est-à-dire de les consoler, mais de fortifier leur faiblesse, afin de pouvoir endurer, à son exemple, beaucoup de souffrances. Tel est le but de l'oraison, voilà à quoi sert le mariage spirituel, produire des œuvres et encore des œuvres. Le but de la douceur et de la joie, de l'intimité avec Dieu, est de rendre l'âme plus courageuse dans le service divin, plus généreuse dans le don de soi, plus forte pour porter la croix. L'apostolat le plus fécond jaillit spontanément de l'intimité divine. Nous voudrions bien devenir saints, mais d'une manière facile, sans nous faire violence, sans nous fatiguer. Nous voudrions exercer la vertu, mais seulement jusqu'à un certain point. Seulement quand elle ne nous demande pas de sacrifices trop onéreux ou ne nous contrarie pas trop. Notre progrès dans le chemin de la sainteté dépend justement de ces actes que nous refusons d'accomplir, sans lesquels notre vie demeurera toujours au même niveau médiocre, en admettant que nous ne reculions pas. Supplions les saints que nous honorons aujourd'hui de nous aider à vaincre notre paresse, notre mollesse, notre lâcheté. Demandons à ceux qui nous ont précédés dans la voie de la sainteté la force de les suivre. La mort nous a arraché ceux que nous aimons. Cependant, nous ne sommes pas séparés vraiment de ceux qui sont morts dans les bras du Seigneur. Le lien de la charité continue à nous unir. D'une rive à l'autre circule l'aide fraternelle. La mort est pour le chrétien une large porte ouverte sur l'éternité. La vie du corps meurt. Mais les bonnes œuvres accomplies demeurent. C'est justement parce que nos œuvres nous suivent et ne sont pas toutes bonnes, ou même qu'étant bonnes, elles sont pleines d'imperfections et de défauts, qu'il est nécessaire que l'âme soit purifiée de toutes ses scories avant d'être admise à la vision de Dieu. Dieu se charge de purifier dès ici-bas ceux qui se donnent totalement à lui, qui se laissent travailler et former selon son bon plaisir. Accordez-moi, Seigneur, d'éprouver une affliction raisonnable à la mort de ceux qui me sont chers, versant des larmes résignées sur notre condition mortelle. En mourant, les fidèles s'éloignent seulement un peu de nous pour aller dans un monde meilleur. Ne permettez pas que je pleure comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Que l'espérance me réconforte. Il ne convient pas qu'avec une espérance aussi grande, votre temple, ô Dieu, soit troublé. Saint Augustin. Faites que nous quittions sans regret les biens de ce monde et non comme ceux qui sont trop attachés à la terre et à la chair. Faites que nous avancions résolus et heureux vers cette vie longue et bienheureuse. Saint Grégoire de Nazianze. Vivre dans le monde sans être du monde n'est pas facile, mais c'est absolument nécessaire pour répondre à l'appel divin. Il y a des âmes vierges qui manquent à leur vocation de consacrer ou n'y correspondent pas entièrement, parce qu'elles sont encore attachées au monde, à ses maximes, ses vanités, ses curiosités, ses facilités, parce qu'elles n'ont pas eu le courage de réaliser une véritable séparation. Le monde pénètre partout et partout, il envahit les cœurs non entièrement détachés.